Section 48. Troisième partie, livre 15e. Suite. Charles X partit dans la soirée pour Rambouillet avec les princesses et Monsieur le duc de Bordeaux. Le nouveau rôle de Monsieur le duc d'Orléans fit naître dans la tête du roi les premières idées d'abdication. Monsieur le dauphin, toujours à l'arrière-garde, mais ne se mêlant point aux soldats, leur fit distribuer à Trianon ce qui restait de vins et de comestibles. À 8h15 du soir, les divers corps se mirent en marche. Là expira la fidélité du 5e léger. Au lieu de suivre le mouvement, il revint à Paris. On rapporta son drapeau à Charles X, qui refusa de le recevoir comme il avait refusé de recevoir celui du 50e. Les brigades étaient dans la confusion, les armes mêlées, la cavalerie dépassait l'infanterie et faisait ses haltes à part. À minuit, le 31 juillet expirant, on s'arrêta à Trappes. Le dauphin coucha dans une maison en arrière de ce village. Le lendemain, 1er août, il partit pour Rambouillet, laissant les troupes bivouaquer à Trappes. Celles-ci levèrent leur camp à 11h. Quelques soldats, étant allés acheter du pain dans les hameaux, furent massacrés. Arrivé à Rambouillet, l'armée fut cantonnée autour du château. Dans la nuit du 1er au 2 août, 3 régiments de la grosse cavalerie reprirent le chemin de leurs anciennes garnisons. On croit que le général Bordesoulle, commandant la grosse cavalerie de la garde, avait fait sa capitulation à Versailles. Le 2e de grenadiers partit aussi le 2 au matin, après avoir renvoyé ses guidons chez le roi. Le dauphin rencontra ses grenadiers, déserteurs. Ils se formèrent en bataille pour rendre les honneurs au prince et continuèrent leur chemin. Singulier mélange d'infidélité et de bienséance. Dans cette révolution des 3 journées, personne n'avait de passion. Chacun agissait selon l'idée qu'il s'était faite de son droit ou de son devoir. Le droit conquis, le devoir rempli, nulle inimitié comme nulle affection ne restait. L'un craignait que le droit ne l'entraînât trop loin, l'autre que le devoir ne dépassât les bornes. Peut-être n'est-il arrivé qu'une fois, et peut-être n'arrivera-t-il plus qu'un peuple se soit arrêté devant sa victoire, et que des soldats qui avaient défendu un roi tant qu'il avait paru vouloir se battre, lui remis leurs étendards avant de l'abandonner. Les ordonnances avaient affranchi le peuple de son serment. La retraite sur le champ de bataille affranchit le grenadier de son drapeau. Charles X se retirant, les républicains reculant, rien n'empêchait la monarchie élue d'avancer. Les provinces, toujours moutonnières et esclaves de Paris, à chaque mouvement du télégraphe ou à chaque drapeau tricolore perché sur le haut d'une diligence criait « Vive Philippe » ou « Vive la Révolution ». L'ouverture de la session, fixée au 3 août, les pairs se transportèrent à la Chambre des députés. Je m'y rendis, car tout était encore provisoire. Là fut représenté un autre acte de mélodrame. Le trône resta vide et l'anti-roi s'assit à côté. On eût dit du chancelier ouvrant par procuration une session du Parlement anglais en l'absence du souverain. Philippe parla de la funeste nécessité où il s'était trouvé d'accepter la lieutenance générale pour nous sauver tous, de la révision de l'article 14 de la charte, de la liberté que lui, Philippe, portait dans son cœur et qu'il allait faire déborder sur nous, comme la paix sur l'Europe. Jonglerie de discours et de constitutions répétées à chaque phrase de notre histoire, depuis un demi-siècle, mais l'attention devint très vive quand le prince fit cette déclaration. « Messieurs les pairs et messieurs les députés, aussitôt que les deux chambres seront constituées, je ferai porter à votre connaissance l'acte d'abdication de Sa Majesté le roi Charles X. Par ce même acte, Louis-Antoine de France, dauphin, renonce également à ses droits. Cet acte a été remis entre mes mains hier 2 août à 11h du soir. J'en ordonne ce matin le dépôt dans les archives de la Chambre des Pairs et je le fais insérer dans la partie officielle du Moniteur. Par une misérable ruse et une lâche réticence, le duc d'Orléans supprime ici le nom de Henri V, en faveur duquel les deux rois avaient abdiqué. Si à cette époque chaque Français eût pu être consulté individuellement, il est probable que la majorité se fût prononcée en faveur de Henri V. Une partie des républicains même l'aurait accepté, en lui donnant Lafayette pour mentor. Le germe de la légitimité resté en France, les deux vieux rois allant finir leurs jours à Rome, Aucune des difficultés qui entourent une usurpation et qui la rendent suspecte aux divers partis n'aurait existé. L'adoption des cadets de Bourbon était non seulement un péril, mais un contresens politique. La France nouvelle est républicaine. Elle ne veut point de roi, du moins elle ne veut point un roi de la vieille race. Encore quelques années, nous verrons ce que deviendront nos libertés et ce que sera cette paix dont le monde se doit réjouir. Si l'on peut juger de la conduite du nouveau personnage élu par ce que l'on connaît de son caractère, il est présumable que ce prince ne croira pouvoir conserver sa monarchie qu'en opprimant au-dedans et en rampant au-dehors. Le tort réel de Louis-Philippe n'est pas d'avoir accepté la couronne, acte d'ambition dont il y a des milliers d'exemples et qui n'attaque qu'une institution politique. Son véritable délit est d'avoir été tuteur infidèle, d'avoir dépouillé l'enfant et l'orphelin, délit contre lequel l'Écriture n'a pas assez de malédiction. Or, jamais la justice morale, qu'on la nomme fatalité ou providence, je l'appelle moi conséquence inévitable du mal, n'a manqué de punir les infractions à la loi morale. Philippe, son gouvernement, tout cet ordre de choses impossibles et contradictoires, périra dans un temps plus ou moins retardé par des cas fortuits, par des complications d'intérêts intérieurs et extérieurs, par l'apathie et la corruption des individus, par la légèreté des esprits, l'indifférence et l'effacement des caractères. Mais quelle que soit la durée du régime actuel, elle ne sera jamais assez longue pour que la branche d'Orléans puisse pousser de profondes racines. Charles X, apprenant les progrès de la Révolution, n'ayant rien dans son âge et dans son caractère de propre à arrêter ses progrès, crut parer le coup porté à sa race en abdiquant avec son fils, comme Philippe l'annonça aux députés. Dès le 1er août, il avait écrit un mot approuvant l'ouverture de la session, et comptant sur le sincère attachement de son cousin le duc d'Orléans, il le nommait de son côté lieutenant général du royaume. Il alla plus loin le 2, car il ne voulait plus que s'embarquer et demandait des commissaires pour le protéger jusqu'à Cherbourg. Ses appariteurs ne furent point reçus d'abord par la maison militaire. Bonaparte eut aussi pour garde des commissaires, la première fois russe, la seconde fois français, mais il ne les avait pas demandés. Voici la lettre de Charles X. Rambouillet, ce 2 août 1830. Mon cousin, je suis trop profondément peiné des maux qui affligent ou qui pourraient menacer mes peuples pour n'avoir pas cherché un moyen de les prévenir. J'ai donc pris la résolution d'abdiquer la couronne en faveur de mon petit-fils, le duc de Bordeaux. Le dauphin, qui partage mes sentiments, renonce aussi à ses droits en faveur de son neveu. Vous aurez donc, par votre qualité de lieutenant général du royaume, à faire proclamer l'avènement de Henri V à la couronne. Vous prendrez d'ailleurs toutes les mesures qui vous concernent pour régler les formes de gouvernement pendant la minorité du nouveau roi. Ici, je me borne à faire connaître ces dispositions. C'est un moyen d'éviter encore bien des maux. Vous communiquerez mes intentions au corps diplomatique et vous me ferez connaître le plus tôt possible la proclamation par laquelle mon petit-fils sera reconnu roi sous le nom de Henri V. Je vous renouvelle, mon cousin, l'assurance des sentiments avec lesquels je suis votre affectionné cousin, Charles. Si M. le duc d'Orléans eût été capable d'émotion ou de remords, cette signature, votre affectionné cousin, n'aurait-elle pas dû le frapper au cœur? On doutait si peu à Rambouillet de l'efficacité des abdications que l'on préparait le jeune prince à son voyage. La cocarde tricolore, son égide, était déjà façonnée par les mains des plus grands zélateurs des ordonnances. Supposez que Madame la duchesse de Berry, partie subitement avec son fils, se fût présentée à la Chambre des députés au moment où M. le duc d'Orléans y prononçait le discours d'ouverture. Il restait de chance, chance périlleuse, mais du moins, une catastrophe arrivant, l'enfant enlevé au ciel n'aurait pas traîné de misérables jours en terre étrangère. Mes conseils, mes vœux, mes cris furent impuissants. Je demandais en vain Marie-Caroline. La mère de Bayard, prêt à quitter le château paternel, pleuroit, dit le loyal serviteur. La bonne gentilfemme sortit par le derrière de la tour et fit venir son fils, auquel elle dit ces paroles. « Pierre, mon ami, soyez doux et courtois en ostant de vous tout orgueil. Soyez humble et serviable à toutes gens, soyez loyal en faits et dits, Soyez secourables aux pauvres veuves et orphelins, et Dieu le vous guerdonnera. » Alors la bonne dame tira hors de sa manche une petite boursette, en laquelle avoit seulement 6 écus en or et 1 en monnaie qu'elle donna à son fils. Le chevalier, sans peur et sans reproche, partit avec 6 écus d'or dans une petite boursette pour devenir le plus brave et le plus renommé des capitaines. Henri, qui n'a peut-être pas 6 écus d'or, aura bien d'autres combats à rendre. Il faudra qu'il lutte contre le malheur, champion difficile à terrasser. Glorifions les mères qui donnent de si tendres et de si bonnes leçons à leurs fils. Bénis donc, soyez-vous, ma mère, de qui je tiens ce qui peut avoir honoré et discipliné ma vie. Pardon de tous ces souvenirs, mais peut-être la tyrannie de ma mémoire, en faisant entrer le passé dans le présent, ôte à celui-ci une partie de ce qu'il a de misérable. Les 3 commissaires députés vers Charles X étaient messieurs de Schonen, Odilon Barrault et le maréchal Maison. Renvoyés par les postes militaires, ils reprirent la route de Paris. Un flot populaire les reporta vers Rambouillet. Le bruit se répandit le 2 au soir à Paris que Charles X refusait de quitter Rambouillet jusqu'à ce que son petit-fils eût été reconnu. Une multitude s'assembla le 3 au matin aux Champs-Élysées, criant « À Rambouillet, à Rambouillet, il ne faut pas qu'un seul Bourbon en réchappe !» Des hommes riches se trouvaient mêlés à ces groupes, mais le moment arrivé, ils laissèrent partir la canaille à la tête de laquelle se plaça le général Pajol, qui prit le colonel Jacques Minot pour son chef d'état-major. Les commissaires qui revenaient, ayant rencontré les éclaireurs de cette colonne, retournèrent sur leurs pas et furent introduits alors à Rambouillet. Le roi les questionna sur la force des insurgés, puis, s'étant retiré, il fit appeler Maison, qui lui devait sa fortune et le bâton de maréchal. « Maison, je vous demande sur l'honneur de me dire, foi de soldat, si ce que les commissaires ont raconté est vrai. » Le maréchal répondit « Ils ne vous ont dit que la moitié de la vérité. » Il restait encore, le 3 août, à Rambouillet, 3 500 hommes de l'infanterie de la garde, 4 régiments de cavalerie légère, formant 20 escadrons et présentant 2 000 hommes. La maison militaire, garde du corps, etc., cavalerie et infanterie, se montaient à 1 300 hommes. En tout, 8 800 hommes, 7 batteries attelées et composées de 42 pièces de canon. À 10 heures du soir, on fait sonner le bout de selle. Tout le camp se met en route pour Maintenon. Charles X et sa famille marchant au milieu de la colonne funèbre qu'éclairait à peine la lune voilée. Et devant qui se retirait-on? Devant une troupe presque sans armes, arrivant en omnibus, en fiacre, en petite voiture de Versailles et de Saint-Cloud. Le général Pajol se croyait bien perdu lorsqu'il fut forcé de se mettre à la tête de cette multitude, laquelle, après tout, ne s'élevait pas au-delà de 15 000 individus, avec l'adjonction des Rouennais arrivés. La moitié de cette troupe restait sur les chemins. Quelques jeunes gens exaltés, vaillants et généreux, mêlés à ce ramas, se seraient sacrifiés. Le reste se fut probablement dispersé. Mais les champs de Rambouillet, en rase campagne, il eût fallu aborder le feu de la ligne et de l'artillerie. Une victoire, selon toutes les apparences, eût été remportée. Entre la victoire du peuple à Paris et la victoire du roi à Rambouillet, des négociations se seraient établies. Quoi ? Parmi tant d'officiers, il ne s'en est pas trouvé un assez résolu pour se saisir du commandement au nom de Henri V ? Car après tout, Charles X et le Dauphin n'étaient plus rois. Ne voulait-on pas combattre ? Que ne se retirait-on à Chartres ? Là, on eût été hors de l'atteinte de la populace de Paris. Encore mieux à Tours, en s'appuyant sur des provinces légitimistes. Charles X demeurait en France, la majeure partie de l'armée serait demeurée fidèle. Les camps de Boulogne et de Lunéville étaient levés et marchaient à son secours. Mon neveu, le comte Louis, amenait son régiment, le 4e chasseur, qui ne se débanda qu'en apprenant la retraite de Rambouillet. Monsieur de Chateaubriand fut réduit à escorter sur un pony le monarque jusqu'au lieu de son embarcation. Si, rendu dans une ville, à l'abri d'un premier coup de main, Charles X eût convoqué les 2 chambres, plus de la moitié de ces chambres auraient obéi. Casimir Perrier, le général Sébastiani et 100 autres avaient attendu, s'étaient débattus contre la cocarde tricolore. Ils redoutaient les périls d'une révolution populaire. Que dis-je ? Le lieutenant-général du royaume, mandé par le roi et ne voyant pas la bataille gagnée, se serait dérobé à ses partisans et conformé à l'injonction royale. Le corps diplomatique, qui ne fit pas son devoir, l'eût fait alors en se rangeant autour du monarque. La République installée à Paris au milieu de tous les désordres n'aurait pas duré un mois en face d'un gouvernement régulier constitutionnel établi ailleurs. Jamais on ne perdit la partie à si beau jeu, et quand on l'a perdue de la sorte, il n'y a plus de revanche. Allez donc parler de liberté aux citoyens et d'honneur aux soldats après les ordonnances de juillet et la retraite de Saint-Cloud. Viendra peut-être le temps, quand une société nouvelle aura pris la place de l'ordre social actuel, que la guerre paraîtra une monstrueuse absurdité, que le principe même n'en sera plus compris. Mais nous n'en sommes pas là. Dans les querelles armées, il y a des philanthropes qui distinguent les espèces et sont prêts à se trouver mal au seul nom de guerre civile. Des compatriotes qui se tuent, des frères, des pères, des fils s'en face les uns des autres. Tout cela est fort triste sans doute. Cependant, un peuple s'est souvent retrempé et régénéré dans les discordes intestines. Il n'a jamais péri par une guerre civile. Il a souvent disparu dans des guerres étrangères. Voyez ce qu'était l'Italie au temps de ses divisions, et voyez ce qu'elle est aujourd'hui. Il est déplorable d'être obligé de ravager la propriété de son voisin, de voir ses foyers ensanglantés par ce voisin. Mais franchement, est-il beaucoup plus humain de massacrer une famille de paysans allemands que vous ne connaissez pas, qui n'a eu avec vous de discussion d'aucune nature, que vous volez, que vous tuez sans remords, dont vous déshonorez en sûreté de conscience les femmes et les filles parce que c'est la guerre? Quoi qu'on en dise, les guerres civiles sont moins injustes, moins révoltantes et plus naturelles que les guerres étrangères, quand celles-ci ne sont pas entreprises pour sauver l'indépendance nationale. Les guerres civiles sont fondées au moins sur des outrages individuels, sur des aversions avouées et reconnues. Ce sont des duels avec des seconds où les adversaires savent pourquoi ils ont l'épée à la main. Si les passions ne justifient pas le mal, elles l'excusent, elles l'expliquent, elles font concevoir pourquoi il existe. La guerre étrangère, comment est-elle justifiée? Des nations s'égorgent ordinairement parce qu'un roi s'ennuie, qu'un ambitieux se veut élever, qu'un ministre cherche à supplanter un rival. Il est temps de faire justice de ces vieux lieux communs de sensiblerie, plus convenables aux poètes qu'aux historiens. Thucydide, César, Tite-Live se contentent d'un mot de douleur et passent. La guerre civile, malgré ses calamités, n'a qu'un danger réel. Si les factions ont recours à l'étranger, ou si l'étranger, profitant des divisions d'un peuple, attaque ce peuple, la conquête pourrait être le résultat d'une telle position. La Grande-Bretagne, l'Ibérie, la Grèce constantinopolitaine, de nos jours la Pologne, nous offrent des exemples qu'on ne doit pas oublier. Toutefois, pendant la Ligue, les deux parties appelant à leur aide des Espagnols et des Anglais, des Italiens et des Allemands, ceux-ci se contrebalancèrent et ne dérangèrent point l'équilibre que les Français armés maintenaient entre eux. Charles X eut tort d'employer les baïonnettes au soutien des ordonnances. Ses ministres ne peuvent se justifier d'avoir fait, par obéissance ou non, couler le sang du peuple et des soldats sans qu'aucune haine les divisât, de même que les terroristes de théorie reproduiraient volontiers le système de la terreur lorsqu'il n'y a plus de terreur. Mais Charles X eut tort aussi de ne pas accepter la guerre lorsque, après avoir cédé sur tous les points, on la lui apportait. Il n'avait pas le droit, après avoir attaché le diadème au front de son petit-fils, de dire à ce nouveau Joas « Je t'ai fait monter au trône pour te traîner dans l'exil, pour qu'infortuné, banni, tu portes le poids de mes ans, de ma proscription et de mon sceptre. » Il ne fallait pas au même instant donner à Henri V une couronne et lui ôter la France. En le faisant roi, on l'avait condamné à mourir sur le sol où s'est mêlée la poussière de Saint-Louis et de Henri IV. Au surplus, après ce bouillonnement de mon sang, je reviens à ma raison et je ne vois plus dans ces choses que l'accomplissement des destins de l'humanité. La cour, triomphante par les armes, eût détruit les libertés publiques. Elle n'en aurait pas moins été écrasée un jour, mais elle eût retardé le développement de la société pendant quelques années. tout ce qui avait compris la monarchie d'une manière large eût été persécuté par la congrégation rétablie. En dernier résultat, les événements ont suivi la pente de la civilisation. Dieu fait les hommes puissants conformes à ses desseins secrets. Il leur donne les défauts qui les perdent quand ils doivent être perdus, parce qu'il ne veut pas que des qualités mal appliquées par une fausse intelligence s'opposent aux décrets de sa providence. La famille royale, en se retirant, réduisait mon rôle à moi-même. Je ne songeais plus qu'à ce que je serais appelé à dire à la chambre des pairs. Écrire était impossible. Si l'attaque fut venue des ennemis de la couronne, si Charles X eût été renversé par une conspiration du dehors, j'aurais pris la plume, et m'eût-on laissé l'indépendance de la pensée, je me serais fait fort de rallier un immense parti autour des débris du trône. Mais l'attaque était descendue de la couronne. Les ministres avaient violé les deux principales libertés. Ils avaient rendu la royauté par jure, non d'intention sans doute, mais de fait. Par cela même, ils m'avaient enlevé ma force. Que pouvais-je hasarder en faveur des ordonnances? Comment aurais-je pu vanter encore la sincérité, la candeur, la chevalerie de la monarchie légitime? Comment aurais-je pu dire qu'elle était la plus forte garantie de nos intérêts, de nos lois et de notre indépendance? Champion de la vieille royauté, cette royauté m'arrachait mes armes et me laissait nu devant mes ennemis. Je fus donc tout étonné quand, réduit à cette faiblesse, je me vis recherché par la nouvelle royauté. Charles X avait dédaigné mes services. Philippe fit un effort pour m'attacher à lui. D'abord, M. Arago me parla avec élévation et vivacité de la part de Mme Adélaïde. Ensuite, le comte Anatole de Montesquiou vint un matin chez Mme Récamier et m'y rencontra. Il me dit que Mme la Duchesse d'Orléans et M. le Duc d'Orléans seraient charmés de me voir si je voulais aller au Palais Royal. On s'occupait alors de la déclaration qui devait transformer la lieutenance générale du royaume en royauté. Peut-être, avant que je me prononçasse, Son Altesse Royale avait-elle jugé à propos d'essayer d'affaiblir mon opposition. Elle pouvait aussi penser que je me regardais comme dégagé par la fuite des trois rois. Ces ouvertures de M. de Montesquiou me surprirent. Je ne les repoussai cependant pas, car, sans me flatter d'un succès, je pensais que je pouvais faire entendre des vérités utiles. Je me rendis au palais royal avec le chevalier d'honneur de la reine future. Introduit par l'entrée qui donne sur la rue de Valois, je trouvai Madame la Duchesse d'Orléans et Madame Adélaïde dans leurs petits appartements. J'avais eu l'honneur de leur être présenté autrefois. Madame la Duchesse d'Orléans me fit asseoir auprès d'elle, et sur le champ elle me dit « Ah, Monsieur de Chateaubriand, nous sommes bien malheureux. Si tous les partis voulaient se réunir, peut-être pourrait-on encore se sauver. Que pensez-vous de tout cela ?»« Madame, répondis-je, rien n'est si aisé. » Charles X et M. le Dauphin ont abdiqué. Henri est maintenant le roi. Monseigneur le duc d'Orléans est lieutenant général du royaume. Qu'il soit régent pendant la minorité de Henri V, et tout est fini. Mais, M. de Chateaubriand, le peuple est très agité. Nous tomberons dans l'anarchie. Madame, oserais-je vous demander quelle est l'intention de Monseigneur le duc d'Orléans? Acceptera-t-il la couronne si on la lui offre? Les deux princesses hésitèrent à répondre. Madame la Duchesse d'Orléans répartit, après un moment de silence, « Songez, monsieur de Chateaubriand, aux malheurs qui peuvent arriver. Il faut que tous les honnêtes gens s'entendent pour nous sauver de la République. À Rome, monsieur de Chateaubriand, vous pourriez rendre de si grands services, ou même ici, si vous ne vouliez plus quitter la France. » Madame n'ignore pas mon dévouement au jeune roi et à sa mère. « Ah, monsieur de Chateaubriand, ils vous ont si bien traité. Votre Altesse royale ne voudrait pas que je démentisse toute ma vie. Monsieur de Chateaubriand, vous ne connaissez pas ma nièce. Elle est si légère, pauvre Caroline. Je vais envoyer chercher monsieur le duc d'Orléans. Il vous persuadera mieux que moi. » La princesse donna des ordres, et Louis-Philippe arriva au bout d'un demi-quart d'heure. Il était mal vêtu et avait l'air extrêmement fatigué. Je me levai, et le lieutenant général du royaume, en m'abordant, « Madame la Duchesse d'Orléans a dû vous dire combien nous sommes malheureux. » Et sur le champ, il fit une idylle sur le bonheur dont il jouissait à la campagne, sur la vie tranquille et selon ses goûts qu'il passait au milieu de ses enfants. Je saisis le moment d'une pause entre deux strophes pour prendre à mon tour respectueusement la parole et pour répéter à peu près ce que j'avais dit aux princesses. « Ah ! S'écria-t-il, c'est là mon désir. Combien je serais satisfait d'être le tuteur et le soutien de cet enfant. Je pense tout comme vous, monsieur de Chateaubriand. Prendre le duc de Bordeaux serait certainement ce qu'il y aurait de mieux à faire. Je crains seulement que les événements ne soient plus forts que nous. » Plus fort que nous, monseigneur, n'êtes-vous pas investi de tous les pouvoirs? Allons rejoindre Henri V. Appelez auprès de vous hors de Paris les chambres et l'armée. Sur le seul bruit de votre départ, toute cette effervescence tombera, et l'on cherchera un abri sous votre pouvoir éclairé et protecteur. Pendant que je parlais, j'observais Philippe. Mon conseil le mettait mal à l'aise. Je lus sur son front le désir d'être roi. « Monsieur de Chateaubriand, me dit-il sans me regarder, la chose est plus difficile que vous ne le pensez. Cela ne va pas comme cela. Vous ne savez pas dans quel péril nous sommes. Une bande furieuse peut se porter contre les chambres aux derniers excès, et nous n'avons rien pour nous défendre. » Cette phrase échappée à monsieur le duc d'Orléans me fit plaisir, parce qu'elle me fournissait une réplique péremptoire. « Je conçois cet embarras, monseigneur, mais il y a un moyen sûr de l'écarter. Si vous ne croyez pas pouvoir rejoindre Henri V, comme je le proposais tout à l'heure, vous pouvez prendre une autre route. La session va s'ouvrir. Quelle que soit la première proposition qui sera faite par les députés, déclarez que la Chambre actuelle n'a pas les pouvoirs nécessaires, ce qui est la vérité pure, pour disposer de la forme du gouvernement. Dites qu'il faut que la France soit consultée et qu'une nouvelle assemblée soit élue avec des pouvoirs ad hoc pour décider une aussi grande question. Votre Altesse royale se mettra de la sorte dans la position la plus populaire. Le parti républicain qui fait aujourd'hui votre danger vous portera au nu. Dans les 2 mois qui s'écouleront jusqu'à l'arrivée de la nouvelle législature, vous organiserez la garde nationale. Tous vos amis et les amis du jeune roi travailleront avec vous dans les provinces. Laissez venir alors les députés, laissez se plaider publiquement à la tribune la cause que je défends. Cette cause, favorisée en secret par vous, obtiendra l'immense majorité des suffrages. Le moment d'anarchie étant passé, vous n'aurez plus rien à craindre de la violence des républicains. Je ne vois pas même qu'il soit très difficile d'attirer à vous le général Lafayette et M. Lafitte. Quel rôle pour vous, monseigneur ! Vous pouvez régner 15 ans sous le nom de votre pupille. Dans 15 ans, l'âge du repos sera arrivé pour nous tous. Vous aurez eu la gloire, unique dans l'histoire, d'avoir pu monter au trône et de l'avoir laissé à l'héritier légitime. En même temps, vous aurez élevé cet enfant dans les lumières du siècle, et vous l'aurez rendu capable de régner sur la France. Une de vos filles pourrait un jour porter le sceptre avec lui. » Philippe promenait ses regards vaguement au-dessus de sa tête. « Pardon, me dit-il, monsieur de Chateaubriand, j'ai quitté pour m'entretenir avec vous une députation auprès de laquelle il faut que je retourne. Madame la duchesse d'Orléans vous aura dit combien je serais heureux de faire ce que vous pourriez désirer. Mais croyez-le bien, c'est moi qui retiens seul une foule menaçante. Si le parti royaliste n'est pas massacré, il ne doit sa vie qu'à mes efforts. Monseigneur, répondis-je, à cette déclaration si inattendue et si loin du sujet de notre conversation, j'ai vu des massacres. Ceux qui ont passé à travers la Révolution sont aguerris. Les moustaches grises ne se laissent pas effrayer par les objets qui font peur aux conscrits. Son Altesse royale se retira, et j'allai retrouver mes amis. « Eh bien, s'écrièrent-ils, eh bien, il veut être roi. Et madame la duchesse d'Orléans, elle veut être reine. Ils vous l'ont dit. L'un m'a parlé de bergerie, l'autre des périls qui menaçaient la France, et de la légèreté de la pauvre Caroline. » Tous deux ont bien voulu me faire entendre que je pourrais leur être utile, et ni l'un ni l'autre ne m'a regardé en face. Madame la duchesse d'Orléans désira me voir encore une fois. Monsieur le duc d'Orléans ne vint pas se mêler à cette conversation. Madame la duchesse d'Orléans s'expliqua plus clairement sur les faveurs dont monseigneur le duc d'Orléans se proposait de m'honorer. Elle eut la bonté de me rappeler ce qu'elle nommait ma puissance sur l'opinion, les sacrifices que j'avais faits, l'aversion que Charles X et sa famille m'avaient toujours montrée malgré mes services. Elle me dit que si je voulais rentrer au ministère des Affaires étrangères, son Altesse royale se ferait un grand bonheur de me réintégrer dans cette place, mais que j'aimerais peut-être mieux retourner à Rome. et qu'elle, Madame la Duchesse d'Orléans, me verrait prendre ce dernier parti avec un extrême plaisir dans l'intérêt de notre sainte religion. « Madame, répondis-je sur-le-champ, avec une sorte de vivacité, je vois que le parti de Monsieur le Duc d'Orléans est pris, qu'il en a pesé les conséquences, qu'il a vu les années de misères et de périls divers qu'il aura à traverser. Je n'ai donc plus rien à dire. Je ne viens point ici pour manquer de respect au sang des Bourbons. Je ne dois d'ailleurs que de la reconnaissance aux bontés de Madame. Laissant donc de côté les grandes objections, les raisons puisées dans les principes et les événements, je supplie Votre Altesse royale de consentir à m'entendre en ce qui me touche. Elle a bien voulu me parler de ce qu'elle appelle ma puissance sur l'opinion. Eh bien, si cette puissance est réelle, elle n'est fondée que sur l'estime publique. Or, je la perdrai, cette estime, au moment où je changerai de drapeau. Monsieur le Duc d'Orléans aurait cru acquérir un appui. Il n'aurait à son service qu'un misérable faiseur de phrases, qu'un parjure dont la voix ne serait plus écoutée, qu'un renégat à qui chacun aurait le droit de jeter de la boue et de cracher au visage. Aux paroles incertaines qu'il balbutierait en faveur de Louis-Philippe, on lui opposerait les volumes entiers qu'il a publiés en faveur de la famille tombée. N'est-ce pas moi, madame, qui ai écrit la brochure de Bonaparte et des Bourbons, les articles sur l'arrivée de Louis XVIII à Compiègne, le rapport dans le conseil du roi à Gand, l'histoire de la vie et de la mort de Monsieur le Duc de Berry? Je ne sais s'il y a une seule page de moi où le nom de mes anciens rois ne se trouve pour quelque chose et où il ne soit environné de mes protestations d'amour et de fidélité. Chose qui porte un caractère d'attachement individuel d'autant plus remarquable que Madame sait que je ne crois pas au roi. À la seule pensée d'une désertion, le rouge me monte au visage. J'irai le lendemain me jeter dans la Seine. Je supplie Madame d'excuser la vivacité de mes paroles. Je suis pénétré de ses bontés. J'en garderai un profond et reconnaissant souvenir, mais elle ne voudrait pas me déshonorer. Plaignez-moi, madame, plaignez-moi. J'étais resté debout et m'inclinant, je me retirai. Mademoiselle d'Orléans n'avait pas prononcé un mot. Elle se leva et en s'en allant, elle me dit « Je ne vous plains pas, monsieur de Chateaubriand, je ne vous plains pas. » Je fus étonné de ce peu de mots et de l'accent avec lequel ils furent prononcés. Voilà ma dernière tentation politique. J'aurais pu me croire injuste, selon Saint-Hilaire, car il affirme que les hommes sont exposés aux entreprises du diable en raison de leur sainteté. Victoria est magis exacta de sanctis. Sa victoire est plus grande remportée sur des saints. Mes refus étaient d'une dupe. Où est le public pour les juger? N'aurais-je pas pu me ranger au nombre de ces hommes, fils vertueux de la terre, qui servent le pays avant tout? Malheureusement, je ne suis pas une créature du présent, et je ne veux point capituler avec la fortune. Il n'y a rien de commun entre moi et Cicéron, mais sa fragilité n'est pas une excuse. La postérité n'a pu pardonner un moment de faiblesse à un grand homme pour un autre grand homme. Que serait-ce que ma pauvre vie, perdant son seul bien, son intégrité, pour Louis-Philippe d'Orléans? Le soir même de cette dernière conversation au Palais-Royal, je rencontrai chez Madame Récamier Monsieur de Saint-Aulaire. Je ne m'amusais point à lui demander son secret, mais il me demanda le mien. Il débarquait de la campagne encore tout chaud des événements qu'il avait lus. « Ah ! S'écria-t-il, que je suis aise de vous voir. Voilà de belles besognes. J'espère que nous autres, au Luxembourg, nous ferons notre devoir. Il serait curieux que les pairs disposassent de la couronne de Henri IV. J'en suis bien sûr. Vous ne me laisserez pas seul à la tribune. » Comme mon parti était pris, j'étais fort calme. Ma réponse parut froide à l'ardeur de Monsieur de Saint-Aulaire. Il sortit, vit ses amis et me laissa seul à la tribune. Vive les gens d'esprit à cœur léger et à tête frivole. Fin de la section 48.